Well, tellement posé que je pourrais doubler le nombre de voyelles, comme doubler le nom de demoiselles qui t'ont rendu naze. Y'a tellement peu de BPM que je pourrais kicker des consonnes et parler d'elles-mêmes. Je te promets, ça choquerait personne. Je ferais des et puis des gros brrr. Je suis un lion, pas un chat. Si je me waffe, moi je te grrr. Je suis qu'un oneille monnette, balance un phonème au maître et en miettes. Je kick des sons quand ça fait sens, ben je m'arrête. Et puis je repars aussi sec qu'après le litre de pastis que t'as bu sans eau. Et tu sais que je traîne avec des gars plutôt poulets que fake fuck. Tu voulais nous péter les steaks que me délèque. Le bide pour moi que t'électrise. Le robot de fat te maîtrise, te méprise. Tu crises quand je te vexe, mais please, pili pili positive. Garde la vie, y'a d'espoir, l'espoir fait vivre. Le serpent se mord la queue, trouve du plaisir. Il serait peut-être temps pour toi, mon vieux, et tes goûts de périr. Écoute le délire. Thank you.